Bienvenue sur comicstories.fr pour le 304e numéro de notre podcast, un épisode qui sera consacré à quelques coups de gueule, quelques news en VF, en VO, et surtout à pas mal de chroniques, puisque cette semaine, nous avons dans cet épisode le retour d'Anthony. Et il paraît qu'il a des choses à dire, mais il ne sera pas tout seul, puisque Boris est aussi avec nous. Oui, bonjour à tous. Et puis, Clément arrivera un jour ou l'autre. Évidemment, je voulais pas commencer cet épisode sans avoir une pensée pour Chadwick Boseman, dont on a appris la disparition des suites d'un cancer du côlon après 4 ans de combat contre la maladie. Son décès a été annoncé en même temps que sa maladie, il n'avait rien dit à personne, et en tout cas pas dans les médias. Une pensée évidemment pour cet acteur et pour le personnage de Black Panther qu'il avait quand même campé dans plusieurs films alors qu'il était en plein traitement. Voilà, bien triste nouvelle. Et sans autre forme de transition, on va rester dans la tristesse puisqu'on va parler de comics VF et on va parler d'un éditeur qui... un petit peu synonyme de tristesse. Je crois, Anthony, que tu as des choses à dire. Oui. C'est Panini, hein. Les masques tombent. Ah, vous en aviez déjà parlé lors du 303. Là, ça s'est précisé parce que Panini a fait une annonce... Enfin, ils ont fait l'annonce officielle sur leur page Facebook. Donc, ça y est, on sait de quoi il en retourne. Donc, après House of X4 qui sort en septembre, Panini va poursuivre, évidemment, la publication de la sphère X-Men qui s'est étendue à beaucoup trop de titres, selon moi, dans ce qu'on appelle l'ère Dawn of X, dans des mags dédiés, donc Dawn of X 1, 2, 3, puis jusqu'à combien. Ce sera bimensuel, ça sortira deux fois par mois, et dans deux éditions différentes, donc un softcover, j'imagine, qui va ressembler à ce qu'on a aujourd'hui, et un hardcover, donc ce sera l'édition sera identique, le contenu sera identique, mais la couverture sera en dur, et ces mêmes couvertures seront en édition limitée. Bon, pour l'instant, pas trop de soucis. Là où ça va commencer à être plus délicat, c'est quand on va parler du contenu, puisque si le premier va regrouper tous les numéros 1 de toutes les premières séries, ça va correspondre en gros à 272 pages, ou 278 pages, pour 16€ en softcover, 20€ en hardcover. Donc les prix sont pas choquants. Là, pour le coup, il n'y a rien à dire. Ce qu'on peut dire, par contre, dès ce numéro 1, c'est bon, bah, si je voulais lire que ce qu'a fait Hickman ou que ce qui me paraît nécessaire, je ne peux pas, puisque je dois prendre forcément ce mag. Là où on aurait pu avoir un X-Men et un X-Men Universe comme à la grande époque, c'est pas le cas. Mais ce premier numéro 1, c'est convenable. Là où la suite est plus délicate, c'est que à partir du numéro 2, forcément, on retrouve une pagination par numéro qui n'est plus événementielle, donc on va être sur du 20 pages, et on va se retrouver avec des... Ok, c'est le bordel dehors. On va se retrouver avec des volumes qui vont faire 168 pages au mieux, voire moins. Le prix reste le même, 16€ et 20€ pour l'édition hardcover. Aujourd'hui, c'est 112 pages pour 9€, donc la pagination ne double pas le prix non plus, vous me direz. Ça passe deux fois par mois, vous allez quand même lâcher 32€ pour lire que du X-Men, pour lire des séries dont vous n'aurez pas le choix, vous n'aurez que ce mensuel-là, voire même cette version hardcover, mais là je trouve que c'est encore pire, parce que 20€, 168 pages, bon, c'est scandaleux, hein. C'est vraiment scandaleux. Voilà, ce que fait Panini est assez incompréhensible. Je pense que le but, à terme, c'est vraiment de supprimer le softcover, parce que si vous avez une édition limitée en hardcover, bon, je pense que d'un point de vue collection, autant se faire plaisir. Après, le contenu, j'en sais rien, je ne l'ai pas encore lu. Maintenant, au vu du nombre de titres, je pense que tout sera pas bon, logiquement. J'aurais préféré que, bah bon, ça c'est Marvel, qu'on ait, comme à la grande époque, Avengers, New Avengers, pourquoi pas un X-Men et New X-Men, pour reprendre la même terminologie. Donc tout sera pas bon, ce sera beaucoup trop cher, et Panini fait encore un mauvais choix, un de plus. Donc on sera là pour le numéro 1, parce que, ne serait-ce que d'un point de vue tarifaire, c'est très intéressant. La suite, j'y serai pas, je l'annonce tout de suite, j'y serai pas. Donc on fera une chronique du premier, voir ce que les premiers X-Men donnent, et ce que donne Hickman sur ses premiers numéros, mais pour la suite, ce sera chroniqué ou pas d'ailleurs, dans un autre format. Ouais. Et pour enchérir... Là, ça n'a rien à voir avec Panini, mais sur la qualité des séries. Je viens aujourd'hui de stopper mes derniers abonnements sur les X-Men en VO, parce que voilà, la qualité a plus ou moins disparu. La seule série vraiment encore potable, c'était X-Men. Et là, on s'est enfilé deux épisodes de tie-in à Empire, que je ne suis plus, que je ne suis pas. Donc voilà, quoi, c'est quand même la grosse déception après l'énorme claque de House of X, Power of X, qui nous a quand même bien tenu en haleine en VO l'été dernier et pour les lecteurs VF cet été. on est vraiment retombé à un niveau faiblard au niveau des titres X. Voilà, bah, ça ne laisse pas ça ne laisse pas augurer beaucoup d'enthousiasme. On a tout achevé là. mais bon, on va saluer Clément qui a fini par nous rejoindre. Bonjour Clément. Bonjour. Et puis on va continuer. Anthony, est-ce que tu avais d'autres choses du côté news, édito en tout cas, par rapport à la VF ou pas? Non, non pas de mémoire là tout à fait récente, non, non. Ok. Déjà pas mal, hein. Boris, tu n'avais rien noté, toi, dans le conducteur côté. Non, là, j'ai pas été très performant sur les news. Ce qui avait pas grand chose en même temps. Rien de marquant ou. Ouais. Non, ouais. J'ai pas le souvenir d'avoir vu passer quelque chose d'intéressant. Non, Urban a annoncé qu'ils avaient trouvé une solution a priori pour diffuser le Batman Universe numéro 6, le fameux soft cover là. Qui sera uniquement en librairie. Oui, ça alors, vu, ouais. J'avoue que j'ai pas suivi particulièrement l'affaire et tout, mais voilà, sachez que le Batman Universe numéro 6 sera dispo et uniquement en librairie. Bah, a priori, il sera exactement le même format hein, oui, qu'il y avait oui, avant, oui. Sauf que ça sera disponible en librairie. C'est juste le mode de définition, de diffusion qui sera fait. Voilà aussi, ça, même s'il continue, ça tue un peu quand même le format souple à prix réduit, entre guillemets, parce que maintenant le retard est tel. Ouais. Je trouve que toutes les séries sont en retard par rapport à la librairie. Le Batman est fini depuis plusieurs mois. Detective Comics parti aussi. Bien en avance aussi. Enfin, voilà, celui qui voulait quand même conserver le format souple pas cher, il a tellement de retard, je crois que soit il a arrêté, soit il est passé à la librairie. Mais bon, après, ça va pas pour les quelques téméraires, c'est bien de pouvoir y avoir accès. Donc... Ah oui, c'est bien, mais je crois que oui. Ça va se tuer tout seul, on va tranquillement, dire. Tranquillement, ça va mourir à petit feu. Et ben voilà pour la VF, du coup. Alors, qu'est-ce qu'on a du côté des reviews? Ah, on a un gros morceau quand même avec Anthony, qui a lu Arline, de Stéphane Sejic. Oui, Arline de Stéphane Sejic, donc auteur et dessinateur. C'est publié chez Urban dans le DC Black Labels. Et c'est pas mal, et c'est pas mal. Autant le dire tout de suite, par contre, ça reste cette histoire du professeur Arline Quinzel qui va se retrouver séduite par son patient le plus dangereux, à savoir Mr. J, le Joker, et qui va petit à petit basculer vers le personnage qu'on connaît Certains diront l'esclave, d'autres diront l'acolyte, en fonction des versions du Joker. Donc, pour ce qui est de la grande toile de fond de ce comics, ça change pas. C'est la même histoire qu'on a déjà lue. Ce qui change, c'est la modernité avec laquelle Stéphane Sejic va le faire et la liberté de ton qu'il va avoir en se faisant publier. C'est en 3 numéros, c'est complet et c'est terminé. Donc, c'est du Stéphane Sejic, donc ça a le style de dessin de Stéphane Sejic. C'est très numérique, mais c'est par contre très très beau. Et en plus, il dessine donc Harley et Arline, donc la version civile, puis la version plus ou moins dépravée du personnage. Il va se faire plaisir puisque forcément il va convoquer toute une galerie de personnages de Gotham City et rien en dire Poison Ivy de la partie. Imaginez ce que peut donner Poison Ivy sous les traits de Stéphane Sejic. D'ailleurs, la modernité passe aussi par la sensualité qui se dégage des traits, non pas vraiment de la sexualité agressive comme on pouvait la retrouver dans certaines parties des années 90, mais vraiment de la sensualité moderne. C'est l'un des rares dessinateurs qui arrive et qui maîtrise, je trouve, beaucoup mieux les personnages féminins. On pourra citer, je pense, Joel Jones, encore Phil Noto, ces artistes qui font du corps féminin quelque chose de vraiment sublime à regarder sans être vulgaire. Et c'est plutôt appréciable. Il ajoute à ça la modernité de ton, puisque c'est résolument adulte sans être de nouveau grossier ou trop démonstratif. C'est bavard, c'est très bavard. Le personnage pense beaucoup, le personnage réfléchit, le personnage a des doutes, le personnage s'interroge et le personnage va chuter, forcément. Son Joker est lui aussi, comment dire, rajeuni, peut-être trop, puisqu'il a vraiment une gueule d'ange de ces mauvais garçons qui séduisent certaines jeunes filles, mais je sais pas encore, ça marche. Son Batman est cette figure du justicier beaucoup trop imposant, avec ses yeux blancs illuminés, et c'est bien cette menace à la fois psychologique et physique qui plane sur Gotham, donc là aussi ça marche à fond. Il se permet lui aussi de créer une origin story à double face qui est ce qu'elle est. Elle est pas trop mal, elle s'inscrit parfaitement dans son histoire en 3 numéros. Donc Arline, c'est du bon, c'est conseillé, c'est mature, c'est adulte, c'est moderne, c'est pas vulgaire, c'est bien écrit, vous en avez pour votre argent et c'est sublime. Et ben voilà qui fait envie. Tu l'avais lu, Boris? J'ai lu les deux premiers épisodes et le troisième attend toujours d'être lu. J'avais trouvé le premier très bavard, comme tu dis, et trop bavard pour moi. J'avais eu beaucoup de mal. C'est vrai que, alors en termes de dessin, il n'y a rien à dire. En plus, moi, j'avais bien aimé Sunstone de Stefan Selic. Et au niveau dessin, moi, j'aime beaucoup. C'est très, effectivement très beau. Après, en termes d'écriture et de narration, j'avais trouvé ça un peu lourd quand même, du Merci. fait de, voilà, du fait de la, du côté très bavard de la série. Donc le premier, j'avais pas spécialement totalement accroché. Le deuxième, de mémoire, j'avais un petit peu plus apprécié, mais pour être honnête, j'en ai pas gardé un grand souvenir. Et puis le dernier, comme il y avait eu quand même dans le Black Label en VO, c'est souvent espacé de 2 mois, hein, je crois. Enfin, il y avait un petit écart entre le 2 et le 3, et j'ai pas eu le courage de m'y remettre. Il faudrait que je reprenne tout depuis le début. Mais c'est vrai que l'aspect bavard, un petit peu lourd, m'a un peu refroidi pour essayer de tout enchaîner. Mais en VF, c'est peut-être plus, ça passe peut-être mieux, je sais pas. Ouais, je sais pas. Moi, effectivement, c'est bavard. Maintenant, ça correspond bien au personnage qui fait de la partie civile et de la partie en fait humaine. Alors là, on t'entend pas trop, Anthony. Ouais, on t'entend pas. Hello? Ouais, c'est bon. Ouais, ok. Donc, il en fait vraiment cette jeune fille qui a entre 25 et 30 ans, qui est douée, qui est pas génial non plus, qui s'interroge sur tout, qui est un peu coincé, qui est très bien foutu physiquement, mais qui ose pas non plus y aller complètement. Donc, je trouve qu'avoir un personnage qui parle tout le temps dans sa tête marche plutôt bien avec la représentation graphique qu'il en fait. Donc oui, ça parle beaucoup, mais ça se comprend. Ouais, j'avais trouvé que c'était un peu répétitif, moi, justement, dans ces doutes qu'elle exprime, etc. C'était un peu beaucoup, quoi. Ok, Mais ouais, bon. peut-être. Après, il faudrait que je le relise en entier. C'est trop loin maintenant pour que je me lance dans le 3 sans relire les deux autres. Ah Mais ben oui. si je le relis, j'aurais peut-être un avis différent, je sais pas. Allez, on enchaîne sur un truc qui est assez loin pour nous aussi, du coup, et qui sera toujours chroniqué par Anthony. Alors que, bah, du coup, est-ce que je l'avais lu, moi? Non, je crois pas que je l'ai lu celui-là. C'est il y a que toi, Boris. La fin du Batman de King, Oh, qui a dû même pas. sortir en VF, c'est ça? Ah, tu l'as pas lu non plus? J'ai pas Ouais, été. J'ai arrêté au 75. Ok. C'est fini en VF. C'est fini en VF. Moi, je m'étais arrêté donc précédemment. J'en avais parlé d'ailleurs, je crois, dans l'arc Nightmare, qui est pas le plus agréable. Je pense qu'on en conviendra tous. Par contre, la suite est très très cool. Il y a toute une partie où en fait Batman va affronter Batman. Donc Bruce Wayne va se confronter à son père, qui ne l'est pas vraiment. L'issue est plutôt surprenante. Bon, je pense que maintenant je vais dévoiler ce qui s'y passe parce que bon, ça fait un petit moment que c'est sorti. Vas-y, vas-y. Donc en fait, à l'issue de ces quelques numéros de confrontation, c'est Thomas Wayne qui sort victorieux de tout ça. Donc déjà, première surprise. Deuxième surprise, aidé de Bane ou Bane aidé de Thomas Wayne, les deux vont mettre à genoux Gotham et en faire une ville de non-droit qui est complètement isolée et dans laquelle la Justice League ne peut pas intervenir. Puisque Bane et Thomas menacent de tout faire sauter, en gros. On se retrouve avec une Gotham qui est gérée par les super-vilains, dont la police est elle aussi dirigée par un groupuscule de vilains qu'on connaît bien, Dr. Pick, Double Face, le Joker. Bon, c'est assez étonnant. Et puis Batman, Bruce Wayne, qui va remonter la pente, forcément. Et Tom King ne va pas oublier ce qu'il a fait autour du couple Batman-Catwoman dans deux numéros que moi que j'ai trouvé absolument excellents. Alors, de mémoire, 77-78. Où on va suivre un Batman version Top Gun avec une moustache qui surfait son bronzage sous le soleil de la Californie ou de la Floride, bien aidé de Catwoman en maillot, ou c'est des numéros à base de Bat, Cat, Cat, Bat. Moi j'adore, je sais pas pourquoi, c'est pas très fin dans l'écriture, mais pour la première fois, c'est un auteur qui va au bout de son idée et de faire véritablement d'un couple entre les deux, qui se concrétise dans le Batman Annual 2 ou 3, lorsqu'on voyait justement à la vie, à la mort. Et la fin des deux personnages, bah là c'est pareil, c'est les retrouvailles. Ils s'étaient quittés plutôt en froid à l'issue du mariage. Batman avait plus ou moins pété un plomb, ce qui avait conduit à Nightmare. Là, ils reconstruisent tout ça. Ils vont reprendre Gotham comme il se doit. Ils vont se battre face au Batman Flashpoint. Et évidemment, ça va bien se passer parce que c'est la fin. Ça, personne n'est dupe. Mais voilà, c'est Tom King qui va au bout de son idée, qui aura construit quelque chose. Tout n'aura pas été bon. Moi, je trouve que l'arc War of Jokes and Riddles n'est pas bon du tout. Le reste, ça se défend, voire même ça s'apprécie plutôt par moment. Certains numéros me resteront en tête et je trouve que cette conclusion est pas mal du tout, surtout au dessin, puisqu'on a quand même du Clayman, du Michael Ranin, on a un peu de John Romita Jr. qui est là, je sais pas trop pourquoi, parce que bon, face aux deux autres, le gars est quand même plutôt en deçà. Mais la conclusion mérite d'être lue. Par contre, voilà, si on a été allergique au style de Tom King à base de dialogues très courts, très raccourcis, et parfois, comment dire, deux discours qui s'affrontent entre ce qu'on voit, ce qu'on lit, bon, la fin est véritablement dans cette veine-là. Donc, si, voilà, si on est allergique, ça ne plaira pas. Non, voilà, c'est une fin de run, c'est un run singulier, c'est un run personnel, et c'est un run comme on en a peu lu. Je trouve sur Batman. Et si on devait le comparer au précédent, à savoir Scott Snyder, à part la cour des hiboux, enfin tout l'arc des hiboux, le reste de ce qu'a fait Snyder est quand même moins bon, moins, comment dire, moins intime par rapport à ce qu'a fait Tom King. Ah bah c'est sûr que si Snyder a intimité, c'est pas trop ça. Hein. Et subtilité surtout. C'est plus vraiment ça, on va dire. Oui, ça l'a été. Ça l'a été. Très bien, très bien. Là, par contre, ça, on l'a lu. En tout cas, Boris et moi. Clément, je ne crois pas, parce que tu attends le TP. Oui, C'est en cours en VF. C'est House of X Power of 10. On en est au numéro 3 chez Panini. Et tu l'as dévoré, j'imagine. Mais c'est encore moi. Oui, je l'ai dévoré. Donc, dans ce mensuel softcover, on a House of X 3, 4, 5, Power of X 4. Alors, je vais tout de suite mettre de côté le Power of X parce que c'est peut-être la série la moins accessible. C'est toujours Jonathan Hickman et sur Power of X, Herb Silva. Ça utilise toujours ces trois temporalités à base de puissance de 10 qui sont assez difficiles d'accès, dirons-nous. Là, on va plutôt utiliser la partie sinistre. On avait compris qu'en fait, Sinistre aidé de Chevin. Charles-Xavier et Magneto aidé de Sinistre avaient mis au point une sorte de matrice à souvenir des mutants pour pouvoir ensuite en créer des hybrides. Là, on a l'origine de tout ça. Ensuite, on va dans le futur, puisqu'on a toujours cette histoire autour des phalanx de cette civilisation bleutée, donc on ne prend pas toutes les issues. On nous explique aussi la création de Krakoa au tout début, et notamment la compréhension de son langage. On a une scène qui se passe dans le passé avec Apocalypse et une histoire d'épée du crépuscule et quatre humanoïdes, sans doute les premiers cavaliers d'Apocalypse, je pense. Tout ça est très nébuleux, sibyllin, on comprend pas grand-chose. Peut-être que ça va s'éclairer dans les deux derniers numéros, peut-être pas. Peut-être qu'il faudra attendre X-Men. Pour l'instant, Power of X, moi je le trouve un peu en dessous de l'autre. Et pour le coup, les trois numéros de House of X de ce mois-ci sont putain d'excellents. Parce que le 4, on a la libération de Dents de Sabre avec une intervention de Emma Frost qui fait de la diplomatie mutante comme on en a rarement vu. On a la préparation de la mission suicide sur la forge qui crée la Sentinelle Omega. Et donc les mutants sont au courant de ça de par les numéros précédents avec notamment les souvenirs de Moira, la fameuse clé USB. Mais celui qui est très très bon dans tout ça, c'est le numéro 4. Parce que le numéro 4, c'est la mission suicide en elle-même et ça pourrait être un numéro écrit par Rick Remender. Parce que Jonathan Hickman, il massacre comme il faut. C'est une mission suicide, toute l'équipe va être décimée, mais la mission sera accomplie. Seul compte l'objectif et la réussite de cet objectif. Et c'est vrai que le numéro nous laisse assez pantois parce qu'on se dit, bon, tous les mutants, au moins les plus connus, sont morts. J'ai le numéro qui suit dans le même kiosque, qu'est-ce qui va putain de se passer? Et dans la suite, en fait, Jonathan Hickman, il met un putain de coup de genou dans les côtes de tous les fans de Chris Claremont. Je dis pas ça en jubilant, juste que c'est factuellement le cas. Ce qu'il va en faire, il va faire en fait de Krakoa une nation qui est capable de ressusciter ses mutants décédés, justement en utilisant 5 autres mutants qui, en fonctionnant ensemble dans une forme de synergie de pouvoir, va permettre la résurrection de mutants. Donc on a Proteus, Hope, Elixir, Uldor et comment elle s'appelle? Celle qui fait des bulles de temps. Là. En fait, on nous explique que tous ces pouvoirs mis les uns avec les autres permettent de créer des cocons, permettent de les geler dans le temps, permettent d'accélérer leur vieillissement. Et c'est plutôt très étonnant parce qu'ensuite, au sortir de ces cocons, donc les ressusciter, donc en fait ceux qui sont morts dans le numéro d'avant, participe à une sorte de culte et de cérémonie où les talons claquent et où les mains droites se tendent, c'est plutôt très très surprenant qu'il en ressort vraiment quelque chose d'assez malsain. Il m'est particulièrement mal à l'aise parce que même si j'ai pas forcément lu tout ce qu'a fait Claremont sur les mutants, et bon là c'est ma faute, hein, on est quand même tous d'accord pour dire que l'idéal des X-Men c'est quand même la tolérance, le pardon, le fait de tendre l'autre joue et surtout de tendre la main quoi qu'il arrive. Et là le problème c'est qu'ils tendent pas l'autre joue mais surtout qu'ils tendent les poings bien haut et en hurlant, et c'est vrai que ça étonne pas mal. Ce numéro je pense marquera véritablement l'histoire des X-Men, alors paradoxalement pas en bien parce qu'on est très très loin de l'idéal pacifique de Claremont, on est sur quelque chose de beaucoup plus virulent, de beaucoup plus radical et de radicalisé. Par contre je pense que ça c'est certainement pas un contre-pied à Claremont, mais plutôt confirmer le fait que les mutants doivent être vraiment cet idéal de tolérance et que quand j'en fais quelque chose ça en éloigne vraiment, vous êtes mal à l'aise. Et c'est effectivement le cas. Et ça se confirme dans la conclusion du numéro où Charles Xavier tend la main à quelqu'un et on est vraiment sur tous les mutants unis, tous les mutants unis pour la souveraineté absolue. Moi j'ai trouvé ça plutôt excellent. Est-ce que j'ai aimé? Oui. Est-ce que j'ai aimé voir ces mutants se comporter comme ça? Pas tellement. Maintenant, Hickman fait quelque chose d'osé, de culotté, de burné. Enfin, c'est vraiment à lire. C'est vraiment à lire. Et comment dire, Pépé Larraz, c'est incroyable. Bon, c'est expressif, c'est détaillé, c'est massif. Le cadrage, les poses, non, c'est très très beau. Très très beau. Voilà. Moi, je suis globalement d'accord. Le numéro 4 dont tu parles avec le commando suicide là, m'avait mis une petite claque et je sais pas si toi aussi Boris, mais je crois que t'as un bon souvenir de tout, de toute façon, de tout ça. Je pense que c'est le meilleur épisode de l'ensemble. Ah, l'épisode sur Moira. Oui, avec celui-là. Ouais, la vraie vie de Moira. Franchement, celui-là, moi je l'ai mis un cran au-dessus parce qu'il m'avait. Il m'avait décroché la mâchoire, quoi. Vraiment. Je sais pas si tu l'as déjà eu, Anthony. Je crois que si, c'est au début. Oui, où tu as les divis et les divides. Les divides, voilà, c'est ça. Exact. Ah, c'est pas mal. Après, moi, le personnage de Moira, c'est pas un personnage que je connais. Donc, j'y suis moins attaché. Maintenant, l'ambition totale de ce numéro étendue, c'est assez gigantesque. Ouais, ouais. Par contre, ouais, ce numéro 4 de House of X, notamment la scène entre les quelques lignes échangées entre Kurt et Logan, waouh. Vraiment, waouh. Hickman a tout compris. Ça dure 15 lignes, tout au plus. Pépé Lara se déchaîne. Et quant à Wolverine qui fond dans le feu solaire pour détacher l'une des quatre colonnes qui retient la sentinelle, enfin, c'est hallucinant. Vraiment hallucinant. Ouais, non, hein. On est dans le bon. Là, la fin et le prochain numéro du coup que tu auras est tout aussi beau. Enfin, dans l'ensemble, ça fait une fois tout bouclé, ça fait quand même un sacré beau passage en 12 numéros. Voilà, ouais. Un beau truc qui fera date, clairement. Ça, c'est sûr. Est-ce que tu avais quelque chose à compléter là-dessus, Boris? Non, rien de plus. Moi, ça fait. J'ai repris les softcovers en français, mais je suis en retard. Donc ça fait un an que je ne les ai pas lus, donc j'avoue que c'est vrai que ça date un peu déjà pour nous. C'est un peu sorti. Non, vraiment, c'était au sortir de la saga entière, c'était assez impressionnant et marquant, quoi. On ne pouvait être qu'enthousiaste. Voilà, d'où la déception pour la suite. Ok, super. C'est-à-dire que la suite, moi j'ai tenté 4 séries, je crois. X-Men, X-Force, Marauders et une dernière, je ne sais plus. Ah si, les New Mutants. Marauders et New Mutants, j'ai fait un épisode. Et X-Force, là, j'ai arrêté au 9 ou 10. Le début était pas mal, mais ça s'est un peu perdu. Puis X-Men, c'est un petit peu particulier comme série, parce que c'est. On a l'impression que c'est un peu des épisodes one-shot. Oui. On se dit que ça va un peu se regrouper, ça va y avoir quelque chose qui fait que ça va se. Comment dire, se réunir un peu à la fin. Mais en fait, bon, là, les épisodes Taïna, Empire m'ont achevé. Donc, ça devrait arriver, d'ici un ou deux numéros, une fois qu'il va lancer son X of Swords, qui va être l'event de l'hiver. Là, du coup. Ouais, mais, voilà, je pense que c'est là où il va commencer à raccrocher les wagons, mais effectivement... A priori, X of Swords devrait recoller avec ce qu'on voit dans le Power of Ten, avec Apocalypse sur Krakoa, et ses quatre... on parle de l'épée du déchu, et le prochain event s'appelle X of Swords, parce que les premiers... Ouais, sont... On aura eu un an de X-Men, enfin de titre X, ouais. Pour pas grand-chose, qu'on va dire. Oui. Bah, ça donne l'impression d'avoir délayé pour attendre ça, quoi. Mais bon, ça a quand même mis des choses en place. Hein. Mais bon, ouais. problème d'avoir, je sais pas combien, il y a une 5, 6, voire 8 séries. Ouais, il y en a plus, ouais, maintenant, ouais. Il y en a qui sont arrêtés en route, en plus, donc il y en a une qui s'est arrêtée au bout de 6 numéros, je sais plus laquelle, mais qui était pas, a priori, pas bonne. Voilà, donc c'est pas... De toute façon, en éparpillant et en mettant des scénaristes différents, on peut pas avoir un niveau équivalent, constant, donc il y a forcément des déceptions. Être architecte chez Marvel, dans le vu le passé, ça n'a pas été toujours très... Non, ça n'a pas toujours été... Non. On est d'accord. Allez, on va passer aux adaptations. Du coup, une fois n'est pas coutume, Boris, tu vas nous parler d'une adaptation. Ça permettra à Anthony de faire une petite pause avant de parler jeux vidéo. Et boire un coup. Tu vas nous parler adaptation, et ça, c'est assez rare. Et en plus, tu vas nous parler d'une série. Alors là, le monde s'arrête, quoi. Je sais pas ce qui m'a pris, là. J'ai eu un peu de temps. J'ai découvert de façon totalement impromptue que la série The Boys était sortie, puisque je suis un des derniers qui achète encore des DVD. Et donc j'ai pris ce DVD et je me suis enfilé la première saison en quelques jours, deux épisodes chaque soir, là. Il y a 8 épisodes. Et très bonne surprise. Alors le comics, je l'ai commencé, j'en avais déjà parlé il y a bientôt un an, j'ai pas fini complètement. Mais on peut comparer un petit peu et alors évidemment c'est beaucoup moins trash, beaucoup moins potache que la série comics qui est quand même fait fort dans ce domaine, mais par contre il y a un côté politique quand même bien marqué dans l'Amérique actuelle, on va dire, hein, qui a quelques réflexions dans ce domaine. Et franchement, c'est une série très agréable. Moi, j'ai vraiment bien accroché. C'est bien fichu, les personnages sont bien caractérisés. Il y a à la fois de l'humour, parfois un peu gras comme dans la série, mais pas trop. Et puis, voilà, des personnages qui se construisent au fur et à mesure, qui sont bien fichus. Clairement, ça m'a donné envie d'aller voir la suite, la saison 2 qui vient de commencer, je crois. Bon, moi j'attendrai le DVD dans un an, mais non, une bonne adaptation qui fait pas un copier-coller, qui est un petit peu différente, qui prend un angle un peu différent, mais qui franchement est de bonne qualité, et j'ai bien accroché, moi. Voilà. Ok, moi j'ai toujours pas commencé la série, donc voilà, je prends ton bravo, je prends ton avis en compte. Le tien, Clément, je le prends moins. Mais par contre, puisqu'on est dans The Boys, on va faire un petit flashback sur le comics, puisque toi, tu as lu le tome 3 en VF récemment. Tu nous avais déjà parlé des premiers quand tu les avais lus, donc là, t'es passé au 3. Ouais, j'essaye de me faire la série, donc je suis à la moitié, il me reste 3 tomes, je crois. J'essaye surtout d'avancer sur les tomes par rapport aux comics, même si effectivement, comme ça a été dit, clairement pas un copier-coller du comics. Pour autant, ça reste intéressant à faire ce parallèle entre l'adaptation et le support d'origine. Et bon, j'adore, hein, le comics, c'est vraiment génialissime. Alors effectivement, par rapport à la série, il est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus trash. Mais vraiment, enfin, il y a des scènes qui me font à la fois mourir de rire et qui sont vraiment dégueulasses. Mais c'est tout le, j'ai envie de lire l'art de The Boys. Et il y a un propos qui est quand même politique, puisque dans ce tome 3, non, c'était le tome 2 ou le tome 3, je sais plus. Tome 2, ils en reparlent dans le tome 3 où il est fait allusion 11 septembre. Et c'est plutôt intéressant qu'il fasse ce lien avec un événement réel, tout en introduisant des nouveaux personnages. Et surtout, on a un début de numéro qui est comment dire, fabuleux, puisqu'on a le Hérogasme, qui est en fait c'est une satire, ça défonce tous les stéréotypes des gros events que font DC et Marvel pour en faire à la sauce The Boys. Et voilà, je sais pas si j'ai besoin d'expliquer le concept vu l'intitulé du truc, mais ça donne vraiment, vraiment des pages assez, assez dingues. Et puis on a l'arrivée de ce fameux personnage qui va être introduit dans la saison 2, j'ai oublié le nom, qui est un super-héros nazi, on va dire ça comme ça. Donc le tome 3 est toujours dans la lignée du tome 1 et 2. Toujours aussi trash, voire plus trash. Je vois pas du tout où va aller la fin de la série, entre guillemets, puisque là il y a un spin-off, c'est ça, qui a commencé depuis un ou deux mois, je crois, deux, trois mois. Ouais, Dear Becky, que Boris lit. Ouais, j'essaye de lire. congelé. Ouais. Ouais, c'est ça, Et ouais. donc, non, non, c'est vraiment génial. Je me souviens plus trop du speech, parce que je l'ai lu quand même depuis quelques semaines, donc je me souviens plus trop, mais il y a des moments forcément qui m'ont marqué, mais en tout cas, c'est génial, et j'attends vraiment de voir, parce que là, on devrait, si j'ai bien compris, ils vont adapter des éléments de ce tome-là dans la saison 2. J'attends vraiment de voir comment ils vont pouvoir faire, notamment adapter l'arc Érogasme. Parce que Amazon Prime a beau quand même assumer un peu le côté trash, par rapport aux comics, c'est quand même vachement édulcoré. Même si la série est quand même assez trash, ouais, assez trash. Là, je sais pas comment ils vont faire parce que c'est assez, ouais, c'est assez intrigant et ça mérite le coup d'être lu parce que ça donne vraiment des doubles pages assez, comment dire, saisissantes. Il y a un côté explicite dans la BD Carrément. qu'on ne peut Ouais. pas retranscrire, hein, C'est clair. sous peine de se voir En censuré, fait, sans doute. je dirais le côté trash, blindé de sang et tout, il n'y a pas du tout de mal, je trouve, dans la série. C'est quand même assez gore, et Ouais. par moments, ils vont même plus loin, je trouve, que la série. Par contre, effectivement, là où c'est quand même plus édulcoré, c'est tout l'aspect sexuel. Oui, bah oui. Clairement plus édulcoré, je veux dire, c'est assez flagrant des parce que en même temps que je parle, je repense à certaines scènes qui sont assez gore, enfin assez trash sexuellement parlant, et par rapport à la série, ça a vraiment rien à voir, mais dans le fond du propos, ça reste génial parce que c'est toute une ça prend un rebours en fait tous les stéréotypes du monde de super-héros et ça se le réapproprie, donc c'est de ce point de vue-là, c'est juste brillant, mais ce qui est génial, c'est que, du coup, encore une fois, en comparaison avec la série télé, c'est que la série télé est dans l'esprit du comics, indéniablement, mais pour autant arrive un peu à s'émanciper du support, c'est-à-dire en ne faisant pas des copier-coller bêtement des arcs, et au contraire, arrive à adopter un truc à sa sauce 2020, en fait. Et c'est là où c'est vraiment très bon, et moi je prends autant de plaisir à lire le comics qu'à regarder la série, je ne doute pas d'éprouver à nouveau ce plaisir-là avec la nouvelle saison. Le seul, ouais, le seul, moi je l'ai lu il n'y a pas longtemps, le tome 3, c'est le dessin. Moi, il y a peu d'Eric Robertson dans ce tome, et j'avoue que les dessins m'ont moins séduit C'est vrai que que dans les premiers c'est tomes où pas le j'ai point été fort. un peu près. Ouais, c'est un peu décevant de ce point de vue-là. C'est pas le point fort. Après, je trouve que le style de dessin va parfaitement à The Boys, en fait. Je trouve que c'est un style qui limite qui serait, à mon sens, inhérent à The Boys. Mais après, je suis d'accord, le numéro 3 était quand même un peu en deçà. Donc, je sais pas du tout. Là, j'ai pas encore acheté le tome 4, mais je pense que ça ne saurait tarder. Mais c'est vraiment à lire. Puis, comme Panini a eu la bonne idée de les rééditer, quand même le souligner, bah faut autant en profiter quoi. Oui, avant que ça disparaisse. Exactement, c'était là. Ils sont pas très chers. Je sais plus le prix, mais les tomes sont pas super chers. Après, c'est du cartonné, c'est pas du deluxe parce qu'ils n'ont jamais réédité les deluxe, mais c'est pas super cher. Ça doit être, enfin, ça dépend comment se dire cher. Je crois que c'est une vingtaine d'euros. Possible, je sais pas. Je n'ai plus en tête. Ok, tu parlais du style de Derrick Robertson. Oui, effectivement, il est indissociable de The Boys, mais... Pour l'avoir lu sur le Hellblazer Rise and Fall qui va sortir bientôt là chez DC, ça colle. Ça colle. Ça colle vachement. Vous verrez le truc pour ceux qui le liront, mais le style va bien, bien, bien. On se demande même pourquoi il n'est pas passé dessus avant, quoi. Allez, on va terminer. Pardon. On va pas terminer notre tour des adaptations, puisque moi aussi j'ai vu quelque chose. La saison 2 d'Umbrella Academy. Qui est sorti il n'y a pas si longtemps que ça et que j'ai pris mon temps pour regarder, contrairement à la première que j'avais enfilée à une vitesse incroyable. Là, j'ai pris mon temps, j'ai pris plusieurs semaines pour la regarder et bah, ma foi, c'était très bien, c'était très sympathique. J'ai vraiment accroché, j'accroche beaucoup à l'atmosphère de cette adaptation. Le cast est très bon, notamment. Alors, j'ai pas son nom en tête et je vais pas le chercher maintenant, mais voilà, le jeune acteur là qui joue numéro 5. Pour un gamin de 16 ans, avoir cette palette dans son jeu, c'est assez fou. Voilà. Une fin qui laisse la porte ouverte à plein de théories, à plein de questionnements, et en tout cas à une saison 3, clairement. Voilà, la porte est ouverte, maintenant il ne reste plus qu'à la signer et à nous la faire, mais J'ai envie de voir ce qui va se passer derrière. C'était, ma foi, une très bonne deuxième saison qui confirme la première. Peut-être me reste-t-il à me mettre à The Boys après ça. On verra. On verra. On va terminer les adaptations cette fois-ci. Qui dit Anthony dit forcément un petit passage jeu vidéo dans l'émission. On n'y coupera pas cette fois-ci avec le jeu qui fait parler de lui en ce moment. Alors je sais pas si c'est en bien ou si c'est en mal. Tu vas nous le dire, Anthony? Tu veux parler de Marvel's Avengers? Exactement. Ouais. Alors, la situation est la suivante. En fait, ils ont sorti une. Ça sort le 4 septembre. Donc, à l'heure où on enregistre, c'est tout bientôt. C'est dans 5 jours. À moins que ce soit moins qu'il y ait un décalage de dernière minute, mais ça m'étonnerait. Il se trouve que courant août, ils ont ouvert une bêta. Alors, à tout le monde, puis à ceux qui avaient précommandé, puis finalement à tout le monde. Malheureusement, j'ai pas pu y jouer parce que bon, j'étais pas chez moi. De nouveau, malheureusement, je vais faire que relater ce qui s'est dit. Et puis de toute manière, j'avais envie d'en parler. Donc, c'est toujours ce Destiny, mais avec des marteaux et des armures rouge et or. C'est toujours ce jeu qui, soi-disant, sera jouable en solo, mais on sait ce que ça veut dire, ce sera pas très amusant. On sait aussi que ce jeu solo, en fait, ça va être une succession de missions avec des objectifs tout à fait basiques, et toutes les 5 ou 10 missions, une cinématique pour donner un simili d'avancement d'histoire. Le véritable intérêt, comme dans tous ces jeux, ce sera sans doute ce qu'on appelle le endgame, c'est-à-dire l'accumulation d'activités à la fin de cette campagne solo et l'ouverture de possibilités, surtout à plusieurs, à moins évidemment d'une grande surprise, mais les retours justement à l'issue de cette bêta ne vont pas dans cette direction. Qu'on peut en dire, bah, c'est que les missions sont très cloisonnées, sous forme de couloirs dans lesquels on avance et dans lesquels de nouveau on ne peut pas reculer. On va taper sur des robots, à plusieurs et de nouveau tout seul. À plusieurs, ça s'annonce plus rigolo mais beaucoup plus brouillon. C'est un jeu dans lequel le principal objectif, au-delà de terminer cette campagne, bon, qui s'annonce pas très très intéressante puisque globalement ça reprend l'arc autour des brumes tératogènes et de tout ce qu'avait déclenché Hickman en 2013 ou 14 à la fin d'Infinity. Donc l'expansion des brumes et l'apparition de toute une nouvelle strate de héros qui maintenant est totalement oubliée, voire décédée complètement des mains de Donny Cates. Mais ça va adapter ça et ça va nous mettre face à la IM, principalement MODOK. Le leader est pour l'instant l'Abomination de ce qu'on en a vu et le Taskmaster. Donc finalement, c'est des vilains sur lesquels on peut facilement taper dans un jeu et avec lesquels on n'a pas forcément besoin de réfléchir, donc ça tombe bien. Donc j'en reviens aux missions, couloir à 4 maximum, objectif très simple, dessouder un certain nombre d'ennemis, résister un certain nombre de temps, actionner un certain nombre de portes pour finalement déboîter le boss final avant de relancer la prochaine mission. Le but de tout ça, débloquer un maximum d'objets, si possible le plus rare possible, pour les équiper sur des personnages. La particularité suivante, c'est que identité bien marqué oblige, tout ce qu'on va débloquer, donc booster, amélioration, équipement supplémentaire, ne sera pas visible sur les personnages. Les effets te feront ressentir et c'est tout. Les seules choses qui vont changer, ce sont les costumes qui vont, par j'imagine, se débloquer ou, de manière beaucoup plus insidieuse, s'acheter en ligne par peut-être une monnaie virtuelle, mais au final avec de votre argent. Donc ça changera. Voilà. Ce qui s'est dit sur le gameplay, c'est qu'apparemment, ils ont quand même fait l'effort d'adopter des mécaniques bien différentes pour les personnages qui étaient jouables, à savoir de mémoire Hulk, Kamala Khan et Black Widow, je crois. Je me souviens plus vraiment, mais bon. Black Widow, Thor, je Ok. crois, Donc, ce et qu'il en Captain ressort, America. c'est qu'effectivement, tous ces personnages se jouent de manière différente et que les boutons sur la manette n'activent pas les mêmes choses sur l'écran en fonction du personnage avec lequel on joue. Ça, c'est cool. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que c'est brouillon. Ça l'est déjà en vidéo et apparemment c'est confirmé lorsqu'on joue, c'est dommage, et que bon, ça va être un jeu qui va tenter de s'inscrire dans la durée, qui, moi, de par mon profil de joueur, devrait me lasser si je l'achète au bout de 30 heures, 40 heures, ça a été le cas avec Destiny 2. C'était peut-être pas le jeu qu'on attendait, mais c'est le jeu qui correspond peut-être le mieux à l'époque. Et quand on voit les annonces du DC Fandom, je pense que ça se confirme plus tôt. Ça sort le 4 septembre sur toutes les meilleures plateformes. Ça sortira plus tard sur les prochaines consoles. La transition sera gratuite de l'une vers l'autre. C'est déjà bien. Pas sûr d'en reparler, mais on n'est pas à l'abri peut-être d'un achat lors d'une promotion intéressante et on fera un article à ce moment-là. Ok. Donc mi-figue, mi-raisin, quoi, tout ça. Ouais, ouais, Partageons. ouais. Je sais pas, du coup, ce qu'a dit c'était Anthony ou Boris? Là, j'ai un C'était bug. Anthony. Ouais, c'était Anthony, pardon. Le Je jour où tu partage. verras Boris nous parler d'un jeu vidéo, C'est pas faux, c'est on pas va lui faux. laisser le temps. Il vient de commencer les séries, tout ça, voilà. Je partage ce qu'a dit Anthony. J'ai regardé un peu certains gameplays du jeu. Bon, moi, enfin, franchement, je suis pas du tout hypé par le jeu. Alors graphiquement, ouais, ça a pas l'air dégueulasse, ça a l'air même beau. Il y a une inspiration des comics évidente et non pas du cinéma, et encore ça peut se contester. Niveau gameplay, je trouve que ça a l'air assez très classique en fait. De ce que j'ai pu voir, ça a l'air très très classique par rapport à d'autres jeux du genre. Et puis scénaristiquement, ça a l'air assez bof. Donc effectivement, il y a tous les aspects arbre de compétences qui peuvent être intéressants, mais encore une fois, ça reste classique. J'ai pas l'impression que le jeu va innover grand chose. Moi, clairement, je ne pense pas prendre le jeu en day one parce que je vais attendre de voir les retours, mais je suis assez. Pareil. Franchement, je suis assez dubitatif. Autant j'avais pu être hypé, par exemple, à l'époque, quand c'était les Batman Arkham, etc. Parce qu'il y avait quand même, je trouve, un aspect assez nouveau. Déjà, map ouverte. Là, je suis même pas sûr qu'il y ait un aspect map ouverte, Non, il n'y d'ailleurs. a pas de map ouverte, hein. C'est pas de la map ouverte. Donc, déjà, tu perds quand même. Tu peux perdre un intérêt, ça pouvait être intéressant d'avoir ça en map ouverte. Et puis j'ai vu par exemple le gameplay de Hulk, ça a l'air en gros tu tapes quoi, c'est du Hulk, il y a rien de sensationnel je trouve dans cette phase de gameplay, alors que tu peux avoir par exemple, après c'est des personnages différents, mais quand tu avais Batman, tu avais toute une phase d'infiltration qui était super intéressante. Là, de ce que j'ai vu, on n'est pas franchement, j'ai l'impression, dans cette optique-là. Donc, je suis assez dubitatif, même si apparemment, quand tu as manette en main, tu ressens un peu ce degré de puissance des personnages. Mais encore une fois, est-ce que ça suffit? Non, parce que je pense que sur un jeu comme ça, j'attends quand même aussi un minimum de scénario. Et là, Ah, c'est bon. difficile à juger pour l'instant. Ouais, c'est difficile, mais en tout cas sur le gameplay, je suis pas attiré plus que ça. Deux derniers points. Enfin voilà, je pense que l'objectif très clair de jeu, c'est de défourailler le plus de robots possible de l'AIM Carrément. en groupe, Ouais. de rigoler, de faire le maximum de combos et de mettre le plus de particules à l'écran. Deux nouvelles remarques. Sur PS4, le Spider-Man sera exclusif. Bon, on comprend plus ou moins pourquoi. Et puis voilà, en fait, j'avais qu'une remarque. C'est déjà pas mal. Puisqu'on est dans les remarques, il y a eu un tout petit truc le week-end dernier qui s'appelait DC Fandom, qui était la convention en ligne de DC pour les fans, qui était visiblement la convention en ligne pour les fans de DC et pas pour les fans de DC Comics, hein, ils ont dû oublier une partie de leur nom, je pense, ce week-end-là. Du coup, on nous a servi une orgie de trailers et de vidéos pour les prochains films, les prochains jeux vidéo et tout ça dans une boucle de 8 heures. Est-ce que, en deux mots, hein, sans aller trop loin et sans développer, parce qu'on a déjà été un petit peu long, il nous reste toute la VO, est-ce que vous avez retenu quelque chose de tout cela? Trailer de Batman. Le trailer de Batman, ouais, pas de Clairement, The Batman enfin, du coup. de The Batman, clairement, c'est. Moi, enfin, si j'ai bien compris, il y a à peine 25% du film qui a été tourné, C'est si j'ai ça. bien saisi. Mais je trouve que. Moi, le trailer. Enfin, je l'attendais forcément, les infos, j'adore Batman. Et puis, j'étais assez intrigué par le projet de. Ah, Matt Reeves, c'est ça? Matt Reeves. Ouais, Matt Reeves. Et là, j'ai vu la bande-annonce. Bon, il y a clairement quelque chose qui en ressort, quoi. Il y a déjà un travail sur la photographie qui semble être faite, qui a l'air très intéressante. L'ambiance qui se dégage est pareille, a l'air intéressante. Donc, bon, et j'avais pas reconnu non plus dans le trailer le pingouin. Enfin, j'avais surtout pas retrouvé. Ouf! Ah mince, j'ai ah, Et une je farelle. bug. Voilà, merci. Je l'avais pas du tout capté. C'est là où le maquillage est assez dingue. Non, pour le coup, je suis vraiment hypé par le film. Ça a l'air très intéressant. On peut pas préjuger forcément parce qu'ils ont pas fini de tourner le film, mais en tout cas, moi, c'est le truc qui m'a marqué parce qu'après le reste, même les bandes annonces des deux nouveaux jeux vidéo annoncés, bof. Ah oui, puis Suicide Squad parce que pour le coup, il n'y a pas eu de trailer, mais il y a eu un Into the Scène. Et là, pour le coup, j'avoue que ça a l'air de défoncer, quoi. Ok. Voilà. Quelqu'un a retenu quelque chose de cette vaste orgie visuelle? T'y vas, Boris, ou j'y vais? Oh, Boris, je pense pas qu'il ait retenu grand-chose. Ok, bah pareil pour The Batman, intrigué, ça change un peu, on s'éloigne pas mal de ce qu'ont fait les deux précédents, Nolan et Snyder, Zack. Donc oui, intrigué, le trailer marche bien. Oui, j'y serai, le trailer m'a eu. Et puis Matt Reeves sur la planète des singes, ça, il m'avait bien attrapé aussi, donc plutôt très emballé. Bon, moi, je vais plutôt m'attarder un petit peu plus longtemps sur les jeux vidéo. Donc de nouveau, Gotham Knights, issu des Warner Bros. Game Studios. Bon, en gros, ça va être un gameplay à la Arkham, sans trop d'innovation, dans une carte ouverte comme elle pouvait l'être dans les deux précédents, sans Batman, puisqu'apparemment le scénario a décidé de nous l'enlever. Maintenant, je pense que c'est une esbrouffe. Face sans doute à une multitude de vilains, dans des quêtes annexes ou pas, avec pour ennemi principal annoncé pour l'instant la cour des hiboux. Bon, pas très intéressant. Artistiquement, on est très très loin de ce qu'avait fait Rocksteady, parce que là, je pense que chez Warner, on a ouvert un comics. On a vu que ces personnages avaient ces costumes, donc on a reproduit ces costumes. Voilà, Red Hood notamment, il n'y a pas d'inspiration. La petite astuce, c'est que de nouveau, ça se joue à 4 en coopération. Ça pourra aussi se jouer tout seul. Donc la composante coopération devrait être assez limitée si l'aventure peut se jouer tout seul. Je vois pas beaucoup d'innovation au-delà de l'absence de Batman, sans doute masquée pour un temps dans l'histoire. Ce qu'on peut dire par contre, c'est qu'il y aura des véhicules, comme pouvait y en avoir dans Arkham Knight. Maintenant, je pense qu'ils seront moins prépondérants. Et que, contrairement aux trois autres jeux, il n'y a pas d'astuce scénaristique pour vider Gotham. Là, les Gotham Knights, donc Batwoman, Nightwing, Red Hood et putain, Damian, se déplaceront dans une Gotham habitée, une Gotham de tous les jours. Donc ça, c'est un bon point, ça avait été reproché lors de la sortie d'Arkham Knight. Donc, ni chaud ni froid, voilà, c'est le niveau 1 de ce qu'on pouvait attendre. Et pour l'instant, il n'y a pas plus malheureusement. La deuxième annonce, de nouveau, n'a pas mis le feu, puisque c'est Rocksteady, qui donc après avoir sublimé le Chevalier Noir et avoir inventé un système de jeu, parce qu'on parle quand même aujourd'hui d'un système de combat à la Batman Arkham, ils reviennent avec un jeu non pas Justice League mais Suicide Squad, et ça a l'air d'être Avengers mais avec les membres de la Suicide Squad, parce qu'avec les membres de la Justice League c'est trop compliqué. Maintenant ça sort en 2022, donc ils ont encore le temps de livrer un truc abouti. Les mecs sont talentueux, donc je pense qu'au niveau gameplay ça devrait suivre. Par contre, ce qu'on en a vu, cinématique de 4 minutes, cinématique paraît-il avec un rendu cible, donc ils vont essayer d'atteindre ce rendu-là, c'est plutôt très ambitieux pour le coup. Bon, maintenant ce qu'on en voit, c'est une métropolise de jour envahie par Brainiac. Eux auraient contrôlé les membres les plus éminents de la Justice League qui vont en fait être recyclés en boss de niveau finaux. Donc pareil, une escouade de 4 joueurs. Dans le trailer, on voit Harley Quinn, Deadshot, qui n'est plus le même Deadshot que celui que Rocksteady avait créé dans leur précédent jeu, alors que selon leur dire, ça se passe dans le même univers. On va expliquer ça aussi. Donc Harley Quinn, Deadshot, Killer Shark et Boomerang. Bon voilà, c'est très marrant parce que du coup on peut dessouder du robot de Brainiac à tout va. Les types sont gris et violet, néon, donc c'est aussi très coloré, très marrant, c'est dynamique, ça bouge beaucoup, il y a des paillettes. Bon, je m'attendais pas tellement à ça, mais c'est ce que j'ai eu, donc plutôt déçu. Ok. Bon, puis moi, pas grand-chose, hein. Des films que j'ai pas envie de voir, des jeux vidéo auxquels je ne jouerai pas, donc voilà, intrigué par le teaser de The Batman, et puis bon, ce sera bien tout, hein, pour moi. Je suis juste déçu de devoir attendre 3 semaines de plus pour qu'on parle de comics, voilà, dans une De toute façon, on convention. va te parler de comics, on va te parler de Batman et de Batman, hein, dans Possiblement, après il y a quelques trucs qui sont sans doute à annoncer. Il y a pas mal d'artistes qu'on dit qui bossaient sur des choses mais qui pouvaient pas trop en dire pour le moment. Donc voilà, j'espérais naïvement qu'on nous annonce tout ça pour le DC Fandom. Mais bah, visiblement, il faudra attendre un round 2 le 12 ou 13 septembre, je sais plus. Voilà, on verra. Et on va passer du coup pardon, au comics VO. Que l'on va ouvrir avec des news. Boris, tu n'as rien noté non plus de news particulièrement bouleversante dans ces derniers jours, sauf si je me trompe. Non, rien Non. vu. Non, non, Ok. non. Évidemment, on est obligé d'aborder la purge qui a eu lieu chez Ah DC. bah oui. Ah, tu allais dire quelque chose, Non. Boris. Ah, je croyais. Non, non. On est obligé du coup d'aborder la purge qui a eu lieu chez DC il y a une semaine ou deux maintenant. Voilà, une grosse grosse vague de licenciements, restructuration en interne, les têtes qui sont tombées, et on a procédé à un remplacement à la tête de DC, voilà, par par deux personnes. Voilà, Jim Lee garde son, pour le moment, son poste et se trouve affublé de deux collaboratrices, l'une qui gérait jusque-là la stratégie digitale et l'autre qui s'occupait du jeune public, si je me rappelle bien. Avec du coup comme intention à demi masquée de passer sur un univers très recentré, un nombre de publications qui va se réduire au minimum de 25%, très recentré autour de Batman, Justice League, Superman. Pour les autres, on ne sait pas trop ce qui va se passer. Format graphic novel, format TP, qui sortirait direct. Digital first, réédité après en TP, single, on ne sait pas. Enfin, un gros gros flou du côté de DC, mais en tout cas, voilà, grosse vague de licenciements chez eux. De mécontentement aussi, parce que les peu d'annonces qui ont été faites, bah, effectivement, vont pas forcément dans le bon sens. Pour les fans. Je ne sais pas si vous avez suivi et lu un petit peu ce qui s'était passé autour de ça et si vous en avez un ressenti à exprimer là-dessus, mais en tout cas, c'est assez moche. Oui, Oui, bah, bah, je crois vas-y, vas-y. qu'on partage tous le même ressenti. C'est même catastrophique. Pour, Boris? c'est pas Ah, pardon. réjouissant du tout. J'allais dire, c'est absolument pas réjouissant pour l'avenir de DC Comics, surtout qu'on peu de temps après, je crois, on a bien vu que sans doute que c'était lié à une vague d'annulation de titres. Ah oui, une grosse série d'annulations, oui, en effet. C'est pas réjouissant. Il y aura plus de diversité chez DC Comics, quoi. Donc c'est ouais, non, c'est absolument pas réjouissant, et c'est même inquiétant. Boris? Je pense qu'on se dirige clairement vers du digital, du graphic novel, Mmh, c'est ça. les grosses têtes d'affiche, voilà, Batman, Justice League, peu de diversité et sans doute à terme la disparition du single papier, hein. Je pense que c'est quand même ça qu'ils ont en tête. C'est l'objectif de Pamela Ford, hein, de toute façon, a priori, hein, donc Mais elle a la l'air ligue de n'est pas en bien, route elle a l'air de non bien plus. réussir son coup, hein, jusque-là. Oui, bah, je pense que, enfin, on va peut-être un peu précipiter les choses, mais qu'ils avaient déjà ça en tête auparavant. Hein. Oui. On sentait bien avec des graphiques novels adultes, un peu, ça a commencé à se développer. Pas mal de séries qui sont annulées, là, effectivement, hein, qui ne font pas partie des gros titres. Donc, je Non, mais pense que. certains qui étaient démarrés depuis peu de temps en plus. Enfin, je pense que c'est Suicide Squad, je crois, qui s'arrête. Oui. Alors, ouais. Est-ce que ça s'arrête? Est-ce que ça va être en pause et ça va reprendre après? Je ne sais pas, mais. Ouais, donc. Non, une stratégie assez, assez étrange et qui, d'un point de vue du lecteur, est inquiétante, quoi, pour ce qu'on aime dans le comics, on va dire, c'est-à-dire le médium sériel, mensuel, voilà, avec l'épisode, le cliffhanger, et on est sur les dents jusqu'au mois suivant. Je pense que ça, c'est pas loin d'être terminé. Non, on va être sur les dents jusqu'à 6 mois après avoir le prochain TP, quoi. Voilà. Et encore, l'interview de Jim Lee qu'on avait partagée. Il s'orientait plus ou moins vers du digital et ensuite seulement en format papier TP que ce qui marchait un peu, quoi, ce Ah qui avait bah du oui. succès. Donc toutes les séries, on va dire, un peu plus confidentielles, ce sera du. Enfin, a priori, ce sera du digital et puis c'est tout. Donc ça, c'était un peu ennuyeux. Hein. Voilà. Donc oui, à suivre, on va guetter un peu toutes les annonces, les choses qui bougeront là, dans les prochaines semaines de côté de chez DC. Mais pour le moment, en tout cas, oui, la direction, ça pue un peu tout ça. On va passer aux chroniques maintenant. Tu as pas mal de choses à chroniquer, Boris. À commencer par du Chips Darsky, donc ça devrait peut-être nous mettre de bonne humeur. On peut commencer par ça. Le Daredevil Annual numéro 1 qui vient de sortir, donc Chip Zdarsky. Il y a deux dessinateurs, Manuel Garcia et Chris Moynihan. Alors, c'est un annual qui. Alors, point positif, c'est un annual qui va avoir de l'importance dans le run, ce qui est rarement le cas quand même C'est vrai. chez Marvel, notamment récemment. Hein. Souvent, les annuals, c'est pour remplir avec des histoires dont on se contrefout et qui font intervenir 50 artistes différents. Donc là, c'est le scénariste de la série régulière qui s'investit, qui propose une seule histoire. C'est bien dessiné, les dessins sont vraiment très sympas. Et c'est voilà, c'est très bien écrit, c'est une bonne histoire. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à le lire. Alors après, sans trop en révéler, pour pas trop spoiler quand même, hein, pour ceux qui ne l'auraient pas lu, ça va faire intervenir un personnage que moi personnellement, n'ayant pas lu les premiers Daredevil de Stan Lee et ayant craqué au bout de 4 ou 5 épisodes sur le run de Charles Charleston, Soule, ouais. je ne connaissais pas. Alors je ne sais pas si je peux citer, on en a parlé, mais le Oui, personnage, tu peux le ouais. citer sans trop dire pourquoi il est là et ce qu'il fait là et machin et tout ça, Voilà, mais oui. donc c'est Mike Murdock. Alors moi je ne connaissais pas Mike Murdock, donc j'ai été chercher sur le net, c'est l'avantage du net de nos jours. Donc Mike Murdock, donc c'est Stan Lee qui l'a créé en faisant une identité secrète de Matt Murdock. Et Charles Soule, a priori, dans son magnifique run, a créé un personnage, en fait, a créé le personnage. Donc je ne sais Ouais, absolument pas ce qu'il en est. il s'est appuyé sur un inhumain, je crois que c'est un inhumain, qui est capable de donner vie au personnage qui figure dans les textes, qui figure dans les livres. Et du coup, comme il y a eu des récits autour de ce Mike Murdock, il a été capable de lui donner une existence propre. Et du coup, Matt, du coup, ce fameux frère jumeau qu'il avait inventé à l'époque de Stan Lee pour brouiller les pistes quant à son identité, bah, ce fameux frère jumeau, du coup, a maintenant une réelle existence depuis le run de Soul. Et du coup, apparemment, Zdarsky l'a réutilisé. Voilà, donc c'est-à-dire ce qui va sans doute enfin, va clairement le réutiliser dans son raid, hein, puisque D'accord. ça nécessite une suite. Moi qui ne connaissais pas du tout ce personnage, qui n'avait pas lu les épisodes de Charles Soule, pour moi c'est un peu fait office d'origine story, hein, plus ou moins, puisqu'il nous raconte quand même beaucoup le passé et l'enfance de ce personnage. Donc très agréable à lire, très bien dessiné. Maintenant on peut se poser la question, voilà, de ce qu'il va en faire dans son run ensuite. Est-ce que ça faisait un petit peu artificiel à la lecture, c'est-à-dire bon, je ne connaissais pas et il présente un peu comme si c'était un personnage important, on va dire, dans la jeunesse de Matt. Et en fait, un personnage dont on n'a jamais entendu parler, enfin, puisque ça n'avait pas été réutilisé entre-temps, a priori. Oui, et puis comme il a Donc. débarqué dans le run de Saul, on n'a pas eu non plus son histoire en fait. Il était là, il a été créé par ce personnage du libraire, je crois que c'est ça son nom, un truc comme ça, ou bibliothécaire, je sais plus. Et point quoi. Du coup, là, apparemment, Zdarsky lui donne même un passé, en plus du fait qu'il Voilà, là existe. c'est ça, oui, tout à fait. Il y a un passé, important dans la jeunesse de Matt et de lui-même. Donc ça fait un peu bizarre. On se dit, voilà, il nous raconte toute une histoire, un personnage important qui en fait dont on n'avait jamais entendu parler. Donc ça fait un peu bizarre à la lecture. Maintenant c'est du très bon chez Starsky. Donc je vais dire que je ressors avec un a priori positif en ayant un petit questionnement Ok. quand même sur l'utilisation future du personnage. Après, reste à savoir par rapport à ce passé, si c'est un passé qui a vraiment existé ou si c'est un passé dont lui seul a mémoire parce qu'il a, enfin, tel qu'on l'a créé en fait et que le personnage qui lui a donné corps, enfin lui a donné vie, peut-être lui a donné aussi des souvenirs qui en fait n'existent pas. A priori non, puisqu'il y a une scène avec Daredevil Il s'en rappelle? qui a l'air réel et qu'il connaît, enfin voilà, D'accord. qui lui parle Oui, ils sont croisés, clairement. hein, donc oui, ils se connaissent. Après, voilà, peut-être que j'ai des trous dans ma continuité, enfin j'ai des trous dans ma continuité à Daredevil qui fait que je pige peut-être pas tout, mais bon, A voilà, priori, ça. c'était un bon trou d'avoir un manque au niveau du run de Soul. Mais Zdarsky en a décidé autrement. Il a décidé de réutiliser ça. Bah, c'est une de ses qualités, c'est qu'il sait Oui. réutiliser les Il peut. choses et qu'en général il le fait bien. Donc bon, Oui, à peut-être en voir. fera-t-il quelque chose d'intéressant, effectivement. Ok, eh bien à suivre avec le numéro 22, je crois, maintenant. Très bien. Tu veux. J'imagine qu'il va intégrer ça plus rapidement. Oui, je pense. Et puis on a parlé dans l'émission précédente, John Lehman a remis une pièce dans la machine Chu, la machine Tony Chu. Tu nous avais parlé du numéro 1 dans le 303. Là, tu as lu le numéro 2. Entre-temps, j'ai lu le premier. Et effectivement, je confirme, c'est très très sympa et on se retrouve à la maison, on se retrouve dans l'univers de Chu tel qu'on l'aime. Et ma foi, ouais, ce numéro 1 m'a bien plu et fini par une petite scène, ma foi, qui donne enfin le fin mot de tout ça et la révélation de qui est ce personnage qui nous est présenté. Et ouais, c'est intéressant, ça donne envie. Voilà. Maintenant, le numéro 2, qu'est-ce qu'il vaut? Eh bien, le numéro 1, j'avais trouvé effectivement ça sympa et j'avais trouvé que ça manquait peut-être un petit peu de densité pour les nouveaux lecteurs, notamment. Et ce numéro 2, je l'ai trouvé meilleur. Bon, J'ai trouvé que c'était... Alors, le... c'est John Lehman et Dan Boltwood au dessin. C'est très loufoque comme histoire. J'ai trouvé que c'était bien fichu, bien déconnant comme Chou. Et que ça se lit bien, c'est très drôle. Il apporte des éléments supplémentaires. C'est un petit polar avec un bon petit méchant là qui est introduit, bon, qui va sans doute pas forcément durer très longtemps, mais qui vient semer un peu la zizanie et créer des intrigues intéressantes. Et le dessin de Dan Boltwood, qui est très caricatural, fonctionne parfaitement là. Il n'y a pas de souci. C'est pas forcément du niveau de Rob Guillory, mais ça fonctionne bien. Il n'y a pas de problème. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à ce numéro 2, la lecture. Il y a du quiproquo, il y a beaucoup d'humour. Et puis au niveau du storytelling, il y a quand même quelques bonnes idées sympas qui fonctionnent avec le dessin. Enfin, un épisode de 2 un petit peu supérieur au premier, un petit peu plus dense. Voilà, l'histoire est bien lancée. Et je ne suis pas mécontent d'avoir commencé finalement. Au début, j'avais un petit doute. J'avais peur que ce soit juste une capitalisation sur le titre Chou initial. Et finalement, non, c'est un... Ouais, il a l'air de partir pour nous raconter une vraie histoire, une nouvelle. Ça fonctionne bien. Ouais. Ok, super. Je te laisse enchaîner. Je fais mon enchaînement. Là, j'ai quelques titres un peu rapides, puis après, je développerai peut-être un peu plus sur un autre. Sur Wicked Things. Alors, Wicked Things, notre duo d'artistes chouchou, John Allison, Max Harin et Whitney Cogar à la couleur aussi. Oh, bah, on continue toujours sur le même ton. Donc, je rappelle, c'est Charlotte qui est soupçonnée d'avoir tué un concurrent dans ses... détective en herbe et qui s'est retrouvée incarcérée, et comme elle a un certain talent de détective justement, eh bien il l'utilise un petit peu tout en se méfiant d'elle, et donc elle, avec son caractère un peu allumé, à la fois donne beaucoup d'indices pour les enquêtes de ces fameux policiers tout en semant un peu la zizanie par son attitude. Et là, on est tout à fait dans cet esprit loufoque, déjanté, avec des bons dialogues. Ce personnage de Charlotte qui est assez hilarant quand même. Oui. Et c'est quand même... qui est bien traduit justement graphiquement en plus par Max Harin, je trouve, dans ses expressions. Ça accentue ce côté caricatural, pardon. Et là, l'histoire se développe bien, puisque dans l'épisode précédent, il y avait un soupçon sur une histoire de vol de téléphone portable, de trafic, que les policiers n'arrivaient pas à résoudre et qu'elle, en deux temps trois mouvements, avait plus ou moins déjà résolu. Et là, ça avance et l'intrigue est quasiment résolue à la fin. Et franchement, toujours agréable, toujours le même ton, très drôle, très sympa. Si on a aimé Giant Days et qu'on a aimé les premiers épisodes, il n'y a pas de doute à aller voir, c'est du très bon. Je ne sais pas où tu en es, tu as peut-être rattrapé un peu. J'ai lu le 3, ouais. J'ai lu le 3, j'attends le 4 du coup. Ma foi, alors je ne sais plus s'il va arriver par ici ou par là, mais en tout cas, il va finir par arriver. Il faut que je valide mes dernières commandes Arconia. mais bien, non, ouais, j'aime beaucoup les 3 premiers. On est à la maison, quoi. Voilà, comme avec le nouveau numéro 1 de Chou, on est à la maison. Voilà. Ensuite, une série que je lis, que j'ai tenté pour les dessins et que je poursuis essentiellement pour les dessins, ça m'arrive rarement, mais c'est Spider-Man Noir de Margaret Stoll et Juan Ferreira. Alors, en termes de dessin, je ne sais pas si vous avez jeté un œil, c'est du... J'ai feuilleté, j'ai vu quelques previews ici et là, ça a l'air chouette, ouais. Ouais, c'est tout en ton de gris avec quelques reflets de couleurs supplémentaires, du rouge notamment. Et franchement, c'est très très beau. Enfin, moi j'aime beaucoup. Donc, Spider-Man Noir, ça se passe dans les années 40, pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et Spider-Man et une femme dont la sœur a été tuée sont partis enquêter en Europe à la poursuite d'une pierre qui a été volée, qui aurait des pouvoirs. Et donc, en fait, c'est une sorte de course-poursuite, on va dire, à travers l'Europe pour essayer de retrouver cette pierre et de retrouver les coupables du meurtre. Donc en fait, honnêtement, au niveau scénario, c'est vraiment que ça, c'est de la course-poursuite. Ils vont de pays en pays, en avion, en bateau, en voiture. Pour moi, c'est surtout un moyen de se faire plaisir et de nous faire plaisir, parce que franchement, c'est très beau. Il y a des super compositions, c'est hyper dynamique. Et voilà, l'histoire en elle-même, c'est totalement classique. Très sympa, enfin je veux dire, ça se lit, c'est pas du tout pour l'histoire qu'il faut aller voir ça, je pense. Mais c'est que ça se lit bien, ce sera en 5 numéros, donc voilà, c'est pas non plus un engagement hyper long. Et au niveau des dessin. Franchement, très bon. Très, très, très joli. Et okay. C'est l'argument essentiel pour aller voir cette série. Ce serait une série ongoing. Non, j'aurais pas, sans doute pas continué au-delà. C'est en 5, je me dis que ça va se boucler, ça va faire une petite histoire sympa avec des jolis dessins. Mm. Voilà, ce sera un petit moment de plaisir agréable. Quoi. Okay. Voilà. Du côté de Donny Cates, alors Alors, je vais parler juste vite fait avant Donny Cates, oui. De Family Tree, parce que je l'ai, ah oui. Je l'ai fini juste avant. Alors, j'ai été surpris, c'est le numéro 8, donc Jeff Lemire, Phil Hester et Ryan Cody aux couleurs. J'ai été surpris qu'il y ait marqué fin du volume 2 à la fin. Mais effectivement, j'ai vérifié, c'était bien un premier arc en 4 et un deuxième arc en 4, donc c'est un peu court les arcs en 4, je trouve. Surtout que la fin pourrait laisser supposer un épisode supplémentaire pour vraiment faire un arc qui soit complètement bouclé. Voilà, on sent que c'est fin du volume 2 parce que j'aurais un TP quoi, à mettre, à vendre. On aurait pu continuer sans problème, sans que ça fasse vraiment un arc complet. Alors, si on se souvient bien, j'avais parlé d'un retournement un peu à la fin du 4. Qui donnait bien envie avec des petites idées sur le futur. Alors en fait, bon, j'en ai parlé la dernière fois, il ne nous a jamais vraiment livré une histoire dans le futur, mais il y a des petites séquences par épisode qui nous montrent certaines choses. Donc là, dans cet épisode-là, c'est exactement pareil, c'est de l'histoire dans le présent qui se poursuit, mais ce qui avait été teasé un peu dans le futur se découvre aussi maintenant dans le présent. C'est du thriller un peu, hein, voilà, du thriller d'anticipation, on va dire, SF. C'est toujours très bien rythmé, très bien écrit, ça se lit bien, ça se lit un peu vite peut-être. C'est vrai que c'est des épisodes quand même qui s'enchaînent assez facilement et un petit peu rapidement. Après, il y a le concept de cette jeune fille qui s'est transformée en arbre, qui est pas mal exploité, qui devrait proposer des choses assez intéressantes. Donc je vais pas rentrer dans le détail dans le scénario, mais c'est voilà, ça se continue. Non, une bonne série. Pour l'instant, je continue en single. On verra où ça va, si ça se densifie un peu, si ça évolue un peu différemment ou pas. Si je continuerai en single ou en TP, mais je continuerai de toute façon. C'est une bonne petite série. Les dessins de Fiester, bon, c'est un peu particulier, hein, c'est assez carré, assez anguleux. Ça manque un peu de décor des fois, mais c'est au niveau storytelling, c'est bien rythmé, c'est assez sympa. Donc un bon titre de Jeff Lemire, pas le meilleur Jeff Lemire, mais il y a un côté polar qu'on n'a pas forcément souvent dans les titres de Jeff Lemire qui est sympa. Voilà pour la petite review rapide. Okay. Alors le Donny Cates, qui est quand même un des scénaristes qui nous a le plus marqué quand même l'an passé, avec son Venom. L'absolu carnage. Alors, on a l'impression que c'est devenu un petit peu monsieur event chez Marvel ou chez Image, hein, puisque là, il est en pleine préparation de ces events hivernaux. Ouais. Et j'ai un petit peu peur que ces séries régulières en pâtissent. À commencer par Venom, donc je vais parler très rapidement de Venom 26-27. Donc, après l'arc Venom Island, moi qui m'a un petit peu ennuyé quand même, qui était un petit peu long, un épisode 25. Plus cher, plus long, mais qui était en fait un gros résumé de ce qui s'était fait depuis le début, qui m'avait fortement déçu. Là, le nouvel arc s'appelle Venom Beyond. Il y a eu donc le 26, première partie, là, la deuxième partie. Premier souci, on change de dessinateur à chaque fois, alors qu'avant, on avait quand même régulièrement Ryan Stegman. Sur l'épisode 26, c'est Iban Coelho qui était déjà venu, c'est plutôt pas mal. Sur le 27, c'est Juan Gedeon. Qui là, par contre, moi, ça m'a pas plu beaucoup. Je trouve, alors c'est pour résumer l'histoire, vite fait. Venom Island, il est revenu donc avec son fils Dylan et ils ont été revoir le Maker. Et là, le Maker a une machine temporelle qui permet de voyager. Et là, il y a un méchant virus qui débarque et qui les embarque dans une autre dimension. Voilà, en gros, pour résumer. Et là, ils sont dans une autre dimension. Et cet épisode 27, le plus récent qui est sorti, les trois quarts de l'épisode, c'est de la baston entre Venom et ce méchant. Et c'est guerre palpitant et les dessins sont peu lisibles, j'ai trouvé. Je trouve que c'est pas agréable du tout, on comprend pas forcément ce qui se passe. Donc même si la fin relève un peu le niveau, avec un petit côté émotionnel sympa lié à la dimension dans laquelle ils sont arrivés, on va dire 80% de l'épisode, c'est de la baston pas très agréable à regarder. Je suis assez déçu quand même. Je trouve que, voilà, en termes de scénario, c'est un peu basique. On ne reconnaît pas trop le Donny Cates précédent. Donc un petit coup de mou sur cette série. J'espère que ça va remonter. Et sur Thor alors ? Alors Thor, depuis le début de la série, je trouve ça sympa, mais sans être le meilleur de Donny Cates. Et là, j'ai lu donc le 5 et le 6, c'est l'arc qui s'appelle Lost in Black Winter, a priori. Non, ça c'est ce qui a marqué sur la couverture. Alors oui, c'est la partie 5, 5 et 6 du premier arc, en fait. On est toujours dans le premier arc, donc c'est un peu long. Là, les deux, donc l'idée de base, c'est que Thor a rencontré Galactus, qui est venu lui annoncer qu'il y avait une menace qui s'appelle le Black Winter, qui arrivait pour détruire la Terre et le monde, l'univers, tout simplement. Donc Thor s'est associé à Galactus, et là, ils affrontent ce Black Winter, et visiblement, ce qu'a raconté Galactus, ce n'est pas vraiment ce qui se fait, ce qui est la vérité. J'ai trouvé que c'était assez bavard, c'est pas déplaisant, c'est beaucoup de bastons encore. Là, c'est un peu la période baston chez Donny Cates, j'ai l'impression. Ça manque d'émotion, moi, je trouve. Donny Cates, il arrivait quand même régulièrement, même si dans Venom, par exemple, il y avait quand même des scènes de baston, il y avait quand même des passages assez émouvants, assez touchants, bien écrits, avec une certaine subtilité. Et là, je trouve que ça manque de subtilité, justement. Il y a la fin des deux épisodes, là, où justement, ça se veut émouvant un petit peu. Et ça marche pas forcément. Donc, un peu décevant, moins que Venom, mais je ne suis pas encore emballé par ce run sur Thor, moi. Alors, c'est Nick Line au dessin. Là, par contre, c'est un artiste qui se dépouille pas mal quand même sur cette série. On l'avait vu sur Captain America, je crois, il y a quelques années avec Rick Remender, c'était moins bon. Là, c'est un autre niveau. C'est assez agréable et ça va bien dans l'esprit cosmique, on va dire, de Thor. Mais voilà, je trouve que c'est un petit Donny Cates quand même en ce moment. Il y a eu quelques ratés sur les Gardiens de la Galaxie. Son run était quand même assez faiblard. Là, on est un peu dans un ventre mou. Alors, je pense qu'il prépare l'event qui va venir cet hiver avec Ryan Stegman, qui est aussi en train de le préparer. Donc, j'ai oublié le nom déjà. Mais voilà. Alors, si le nom, c'est... Ouais, King... Voilà. King in Black. Voilà, merci. King in Black. Alors, je trouve ça un peu dommage que, voilà, c'est bien de le mettre sur des events. C'est vrai qu'Absolute Carnage, c'était quand même du très bon. Mais enfin, si c'est pour qu'entre deux events, les séries tombent un peu de niveau parce que, bah, il a pas trop forcément le temps de s'investir ou, enfin, c'est mon ressenti. Hein. C'est un peu dommage, quoi. Voilà. Je comprends. À voir par la suite. Voilà. Venom, une bonne déception. Thor, sympa, mais je suis pas totalement emballé, quoi. Ok, il te reste un titre à traiter pour voilà, nous, c'est le quatrième et dernier. Non, c'est le dernier. Oui, c'est fini. Ouais. Le Wonder Woman Dead Earth de Daniel Warren Johnson, dont les trois premiers épisodes étaient des bonnes petites claques. Donc il est au scénario, dessin et en couleur Mike Spacer. Si on aime Daniel Warren Johnson, on aime son Wonder Woman Dead Earth. C'est du pur Daniel Warren Johnson. Beaucoup. Alors dans ce dernier numéro, c'est un peu une baston finale, on va dire. C'est vraiment. Je suis dans ma série baston là, mais un affrontement final. Je ne veux pas dévoiler l'histoire, mais bon, voilà. Roman a débarqué sur la Terre un jour et s'est aperçu que la Terre était en partie détruite. Le monde est. C'est un monde apocalyptique et au fur et à mesure des épisodes, elle a découvert qu'elle avait une part de responsabilité. Donc là, elle essaye dans ce dernier épisode de réparer les choses et ça l'a conduit à affronter une partie de sa famille. C'est toujours très bon, franchement. Graphiquement, ça dépote, hein, on le connaît. Daniel Warren Johnson est un dessinateur qui, en termes d'action et de baston, et maîtrise bien les choses. Hein, ça saigne de partout, c'est hyper violent. Et puis, comme d'habitude, il compense avec des personnages très humains, beaucoup d'humanité dans ses histoires. Donc là, c'est exactement pareil. Ça se finit, on pourrait presque attendre un peu une suite. Voilà, il y a une image finale qui laisse peut-être une porte ouverte à une suite possible. Mais franchement, une mini-série en 4 épisodes indispensable, on va dire, pour les fans de l'artiste. Et pour ceux qui connaissent pas, un bon moyen de se lancer. Ça fait, voilà, c'est un personnage d'ici, mais bon, c'est vraiment plus une histoire de Daniel Warren Johnson qu'une histoire d'ici Comics, quoi. Il récupère les personnages, il en fait ce qu'il veut. Il avait a priori totale liberté. Et il en a fait quelque chose de vraiment qui est totalement dans la veine de ce qu'il écrit en indé. Et non, franchement, une très, très bonne mini-série que je conseille. Ok. Puisqu'on est sur Wonder Woman, il y a une nouvelle équipe créative sur la série principale avec Mariko Tamaki au scénario. J'ai lu le premier, j'ai bien aimé. Voilà, c'était Ouais. juste pour dire ça. J'ai voilà une nouvelle direction, nouveau statu quo peut-être. Voilà, nouvelle menace aussi qui va arriver pour Wonder Woman. Premier numéro assez engageant, assez frais, léger, mais qui nous pose déjà des éléments d'intrigue pour au moins l'arc, voire la suite du run. Donc je continuerai à surveiller ça parce que, ma foi, ça m'a bien plu sur le démarrage. Ouais, j'ai pas été voir, mais Mariko Tamaki, souvent c'est un peu décompressé. Donc en single, c'est pas toujours Oui. très satisfaisant, on va dire. Après là, j'ai vu que c'était Michael Ranin au dessin, Exactement. mais pour deux, a priori deux épisodes et puis un petit tour et puis s'en va. Donc faudrait pas Je que sais DC pas. prenne la mauvaise habitude de Marvel de mettre des gros dessinateurs pour un premier arc ou quelques épisodes et puis après on a d'autres dessinateurs un peu moins bons Ah bah c'est sûr qui que gâche un peu, graphiquement, entre guillemets, ce premier la là, le suite. 759, graphiquement, c'est sûr qu'il est beau. Ça, on va pas dire le contraire, hein. C'est du bon running. Et puis voilà, j'avais un autre titre en tête qui m'est venu. Ah oui, bah oui, le Empire, puisque je vous avais dit que j'allais sans doute feuilleter, enfin j'allais sans doute lire Empire, du fait que ça mettait en avant Hulkling, forcément un des personnages que j'aime beaucoup chez Marvel. Du coup, j'ai commencé l'aventure Empire avec le Lords of Empire, le one-shot consacré à Hulkling, écrit par Chip Zdarsky. Qui était, ma foi, super bien. Voilà, très bien écrit, j'ai envie de dire du Zdarsky, quoi. Le mec écrit vachement bien. Et ce personnage-là, il le maîtrise. Sa relation avec Wiccan, il la maîtrise aussi. Il en fait quelque chose de très joli à lire. Vraiment, un beau numéro qui nous explique bah, comment Hulkling passe du quotidien où il se fait un peu chier sur Terre pendant que son petit ami sauve le monde et l'univers. Et lui, bah, il attend qu'il se passe quelque chose. Et puis quelque chose finit par arriver, puisqu'on l'appelle pour unifier les Kree et les Skrulls dans un seul grand empire dont il serait le leader, voilà, pour pouvoir après aller affronter leur ennemi commun. Et comment il va finir par accepter ça, par monter sur le trône, sauf que monter sur le trône, ça veut dire se couper de toute relation avec la Terre et avec les humains, parce que la Terre est quand même pas très ami avec ces deux peuples-là. Donc bah, si tu veux monter sur le trône, Hulkling, il va falloir que tu coupes les ponts avec Wiccan et que tu acceptes de le renier, etc. et machin. Je vous dis pas s'il le fera, je vous dis pas comment, pourquoi, etc. Mais voilà, Zdarsky nous a écrit quelque chose de très joli. Voilà, un beau morceau de la relation entre les deux personnages. Et ma foi, je vais continuer. Enfin, je vais continuer. Je vais commencer Empire maintenant, le morceau principal. Très encouragé par ce qu'on nous a annoncé dans le numéro 4 et ce qui sera la conclusion de l'event. Ma foi, pour le moment, je suis emballé. Maintenant, on va voir si la série principale de Halley Wing sera à la hauteur. Ouais, j'irai peut-être voir après moi en TP, mais je voulais le prendre au début, puis il y a tellement de trucs à lire, puis j'ai Bah, quand moi, j'y même. suis allé uniquement parce que c'était ces deux personnages-là, enfin parce que le Kling était Oui. au centre et que je me doutais que Wiccan n'allait pas être loin, et voilà. Sinon, j'y serais pas allé. Oui, puis il y a je sais pas combien de tie-in encore, enfin. Ah oui, bah moi, ce sera la série Je vois qu'il principale y a et des garçons. basta. Oui, bah oui, mais j'irai voir après, on verra. Je vais attendre les retours sur l'ensemble et puis on verra un Ok, petit peu plus voilà tard. qui du coup termine les chroniques de ce numéro. En quelques secondes, qu'avez-vous dans votre pile et qu'allez-vous lire d'ici la prochaine fois, Clément? J'ai de la VO qui va pas tarder à arriver. Beaucoup de retard qui sont libraires. Donc, je vais avoir le Batman, les Joker War, Ascender, sûrement Family Tree où je suis à la bourre aussi. Je devrais avoir le TP X-Men qui pourrait arriver. Exact. Sans doute également le tome 4 de The Boys que je vais sans doute acheter. Et aussi certains numéros, des numéros d'été qui ont été faits par Urban Comics, donc les numéros à 4,90. Les gros Donc volumes, bah, j'en ai encore un certain nombre à lire, mais comme je suis enfin débarrassé de mon omnibus Infinite Crisis, je vais pouvoir rattraper mon retard et possiblement essayer de finir Final. Final Crisis et également me redévouer à essayer de lire Y, le dernier homme, que je n'ai encore jamais terminé alors que j'ai l'intégrale. Donc, beaucoup. Ouais, t'as du boulot. Ouais, j'ai du boulot, comme tu dis. Anthony, toi, tu vas terminer House of X et Powers of Ten, j'imagine, et tu dois avoir d'autres choses Ok, oui. Sur le feu. Ok, oui, donc oui, effectivement, la fin de la première saga mutante par Hickman. Il y a la fin d'Absolute Carnage avec double dose, puisque ce numéro d'août a été décalé en septembre. Donc en septembre, Absolute Carnage 2-3, ça va être bien. Je parcours le planning. Il y a Batman, Créature de la Nuit, Ouais. qui me fait de l'œil. Ouais, excellent, excellent, magnifique. Enfin, John Paul Leon, voilà. J'ai eu ça en VO, c'est super. Ouais, ça m'attire pas mal. Il y a le Prez, bon, j'ai entendu pas mal de bons retours. Je sais pas si je lirai, mais ça me fait envie. Le Ultimates 2, parce que j'avais adoré la première mini de Harley Wing. Maintenant, c'est pas le même dessinateur, donc on verra. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Je parcours en direct. Il y a malgré tout le The Joker Killer Smile en Black Label de Jeff Lemire. Donc ça m'attire pas mal, parce que pour l'instant, tout ce que j'ai lu en Black Label, c'était ou bon ou très très bon. Et puis c'est déjà pas mal. Ça fait une voilà, bonne pile, sur, ça fait une bonne pile tout ça. Ouais. Et on verra, peut-être du Marvel's Avengers si je passe en boutique et que j'ai le portefeuille plein. Ça devrait pas être le cas, donc. On verra. Allez, toi, Boris. Alors, moi, en VO, il y a le tome 2 de Animal Man par Grant Morrison qui sort, que j'attends depuis belle lurette. Le premier avait été un gros coup de cœur. Il y a la fin de Flash par Joshua Williamson. La fin de King of Nowhere aussi. Il reste un épisode et le 4 a bien relancé la machine. J'ai bien envie de voir comment il va conclure sa mini-série. Après, il y a plein de séries que je suis. En VF, eh bien, il y a le tome 3 de la version deluxe de Giant Days. Il devrait arriver s'il n'est pas décalé, en espérant que ce ne soit pas le dernier. Chez Delirium, il y a The Maximortal de Rick Veit. Alors, j'avais lu, je ne sais plus voilà, comment ça s'appelait, un autre titre de lui qui est sorti il y a l'année dernière et qui était très bon. Donc, je suis bien tenté de prendre ça. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Évidemment, House of X, Power of X, je vais le reprendre et puis il faudrait que je me relise tout. Qu'est-ce que j'ai vu? Il y a Skyward chez iComics qui arrive, le tome 2. Bon, moi, je l'ai suivi en VO, mais je le conseille. Très bonne série. C'est le tome 1 sur mes étagères. Ouais, bah, c'est très très sympa. Très sympa. Et puis, à peu près tout. Hein, je vois pas. Il y a du Aoi qui sort chez Gadelcourt, là, Captain Ginger. Tu vois, je l'ai pas lu, mais ce que j'ai lu chez Aoi pour l'instant, c'était bien sympa. Donc, je vais peut-être me lancer là-dedans. Mm-hmm. On verra. Et puis, je crois que c'est à peu près ça tout. Hein. Il y a un tome de Gaiden Fall aussi qui sort. Ouais. Le tome 4. Le tome 3 m'a laissé un petit peu sur ma faim parce que j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de questions et peu de réponses. Mais bon. Et donc, c'est celui qui m'a fait arrêter. Bon, merci de m'encourager. Puisque du coup, j'avais dit que je lirais en TP et j'ai jamais ressenti ni l'envie ni le besoin de le faire. Ok, bon, je verrai bien. Et effectivement, le Batman Créature de la Nuit que je vais me prendre direct et le Prez aussi parce que depuis. C'est une vieille série. Ça fait plusieurs années que c'était sorti en VO. Depuis, j'ai lu plusieurs choses de Mark Russell qui m'ont bien plu. Donc, notamment là en ce moment, je lis Billionaire Island. Donc, je vais le prendre aussi, puisque ça a une bonne réputation. Mmh. Je vais aller voir ce que ça vaut en VF. Et ainsi, il y a le Daniel Warren Johnson, Murder Falcon, qui sort dans une dizaine de jours. Ça, c'est à prendre direct. Je le conseille vivement. Voilà, en gros. Merci pour tes prescriptions. Moi, vous allez avoir la rengaine habituelle, hein, mes petites pépites de chez Boom, je vais continuer, évidemment Wind, évidemment Seven Secrets, même si j'ai déjà vu le deuxième numéro, je vais quand même le lire en papier avec plaisir. We Only Find Them When They're Dead, le Halloween qui commence dans une ou deux semaines, je ne sais plus. Qu'est-ce qu'ils ont encore? Alienated qui va se terminer, j'attends le dernier épisode avec à la fois impatience et un peu tristesse parce que j'ai beaucoup aimé ce qui est devenu la série, notamment avec le numéro 4. Chez Boom, j'ai de quoi lire de belles choses. Le Empire, je vous ai dit que j'allais rattraper. La nouvelle série Oaken King, le numéro 1 vient de sortir. La suite arrive avec, en plus, par derrière, on aura un crossover avec Sandman, donc ça va être aussi sympa, je pense. Batman 3 Jokers, évidemment, enfin voilà, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à venir. On va pas s'ennuyer. Et puis le nouveau Zdarsky aussi, tiens. Allez, on va rajouter une petite couche. Qui s'appelle, j'ai oublié, Stillwater, voilà, avec Ramon K. Perez. Et puis Department of Trolls, évidemment, de Titanfall. Beaucoup de choses en septembre. Il ne nous reste plus qu'à vous dire au revoir, à vous souhaiter de bonnes lectures parmi tout ce qui arrive et peut-être parmi tout ce qu'on a chroniqué aujourd'hui et qui vous a peut-être donné envie. N'hésitez pas à nous faire vos retours si vous en avez. On se retrouve prochainement pour le 305e épisode. D'ici là, bonne lecture, évidemment. À très vite. Au revoir. Salut. Au revoir. We'll be right back.